cri, va rouge kaki, c'est un taquin, c'est comme les suisses, rare qui taquine. Tu vois un délire, trop proche de la ligne de mire. T'as pas assez dit, tu veux mon bif, rêve de tes doigts. Mais tes doigts, tu veux quoi? Mec, tu sens que je déboîte, j'ai pas le temps. Je traverse l'histoire en boitant, je te dis c'est hardcore mec. Comme mettre à terme à son existence, c'est temps de s'en remettre. Un peu de substance dans un cornet. Mec, ne parle pas, je suis bordé. Dans la tranchée, je garde le point ferme et l'index corné. J'avance la foi pour m'escorter. En mouvement du cartel, quitte à finir par terre. Un bout de fer pour briser les chaînes. Maintenant les risques ne sont bons qu'à prendre, les traits bons qu'à prendre. Survivant qui se porte d'armes. Cours, tu t'endors ou tu portes les temps d'armes. C'est pas mal, on est hal. D'appro. Hey yo, ma tête s'appelle Planète. C'est ça, je suis pas net. On a les noguises de bang et le bout de ma langue et mon arbalète. Mes tracks sont les stalactites qui vont s'étendre sur la terre, puis briser le granit. Mon étoile rouge des mécaniques et le ciel panique. Ça faisait un time qui s'embattait l'ex, tapait les lettres. Mais j'aime pas les lèches puisque le monde ne connaît pas mes lettres. Je m'en tape de ce que font les autres. Je veux que l'on m'écoute. Mon but dans la taille, y'en a marre de voir de la barbe sur la bouche des sauces. Beaucoup de pesos. Ne calmons pas mon appétit. Ta peau écrase, paraît-il. Je vois bien toutes ces blagues effacées si. Pas là pour draguer ta thésie, pour narguer ta vessie. T'as rendu grande star, t'es paresseux, le talent était par ici. Je suis l'homme qui roule pas les gangsters parce qu'ils sont tellement cool, leur funky. Troqué de hip-hop, toc un peu de junkie. Va te laver les dents, mes dentifrices les passent pas la CC. Mazik et les boys, y'a là de grosses passes, viens la caresser. Aïe, Afro, attendez, ça qu'a rien, mon gros. Oui, Rasaké, mon gros. ODT, mon gros. DJ Bump, mon gros. Yeah, yeah, je suis où ta gueule?